Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ça s'est déroulé en fin de semaine la 14e édition des régates de Saint-Félicien. Ça s'est déroulé à Ville de Saint-Félicien, évidemment. Et dans les catégories, dans la catégorie F2500Q-1B, c'est Grant Earn qui a triomphé, suivi de Tyler Kedatz qui a terminé au deuxième rang et John Shaw a terminé au troisième rang. Catégorie F2500Q-1A, Steve Armstrong a été le meilleur, suivi de Max Asciano qui a terminé à deuxième place et Tommy Shannon troisième. Et en catégorie 2.5 litres Q1-A, Dominique Demers a été le meilleur, suivi de Richard Wilhelm qui a terminé à deuxième rang et Mathis Gabriel Chiasson qui a pris le troisième rang. Les Saguenay-Lac-Chicoutimi ont vu 5 de leurs joueurs être invités à des pré-camps d'évaluation qui se déroulent actuellement un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. Chez les Saguenay, Alexis Schenk, Raphaël Harvey-Pinard qui a été le choix de la 7e ronde des Sags au dernier repêchage et Samuel Hood s'en vont au camp d'évaluation du Canadien de Montréal. Tant que du côté maintenant de Louis Crevier et également le défenseur Alexis Niachev, ben, eux ont été invités à participer à d'autres camps. Dans le cas de Niachev, ben, c'est la direction des Sharks de San Jose, Niachev qui est un choix de deuxième ronde. Et tant qu'à Louis Crevier, ben, il a été invité au camp du Lightning de Tampa Bay. Samuel Harvey également, le gardien de but originaire d'Allemagne, lui s'en va en Caroline, où il va participer au camp d'évaluation des Hurricanes de la Caroline. Au cours des prochains jours, on va tenter de rejoindre tout ce beau monde pour avoir le commentaire. Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc faisait un retour à la compétition en motocross et c'était à Desbiens au cours du week-end et il a pris le premier rang de la catégorie Pro Open. Il y avait maintenant du deck hockey qui se déroulait hier à Saint-Prime et il y avait un match. Les boys, victoire de 8-3 pour la formation des Canes contre la formation des Décadences. Et pour les Canes, Félix Boudreau a marqué 3 buts, 1 passe, 2 buts, 2 passes pour Maxime Gay. La réplique pour les perdants des Décadences est venue de José-Anne Bergeron, Brandon Bélanger et Jérémy Anctil. J'ai vu ta section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Snake, alias Simon Boisvert, pour parler de son évaluation des choix au repêchage du Canadien de Montréal. Et également, Marc Fortier commente la transaction qui a envoyé Piqué Subban avec les Devils du New Jersey. Sport local et régional, à DanRadioSport.com.